Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion de Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy, en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred, comment vas-tu? Ça va. Et Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Ça risque d'être le plus long podcast. Et Mathieu Bouillon. Bonjour. Ah, il est pas sur le vocodeur? Non, pas sur l'autotune, lui. Non, moi, c'est sur la gamme. Moi, ton journaliste. Oui. Ah oui, c'est ça. J'ai trouvé de l'alcool dans un bac de recyclage. Comment ça? Dominique Carpin? Ouais. Ah oui. Laissez Dominique tranquille, c'est un ami. C'est? Oui. Un ami. Ah. Oh. Mais oui. Moi qui pensais que tu connaissais d'autres mondes que nous autres. Ben oui. Pas de problème, on tente de résoudre vos problèmes. On tente de résoudre vos problèmes. Vos problèmes. Vos problèmes. On vous invite à aller mettre ça sur... comment ça s'appelle, là? C'est très, très populaire. Facebook. Facebook? Oui, sur Facebook. J'en parlerai pas longtemps, mais on a un concours. Oh! Ah! C'est fait, c'est fini. Oui, c'est le concours pour changer le monde. Non! Avec une chanson. Oui. Concours pour mais parle! C'est le soir, vous avez une fringale. Il n'y a rien dans le frigo. Oh, vous voulez pas en sortir? Ben voyons donc. Déneiger l'auto. Oh, fait trop frais. Aller attendre dans un restaurant fancy. Aïe, aïe. Il n'y a rien de feng shui. Pourquoi pas rester à la maison, se louer un film en mangeant une bonne bouffe qu'on a commandée? Oh, là, tu parles. Comme une bonne bonne pizza? Comme une bonne bonne pizza. Malheureusement, votre blonde, pour une raison qui vous échappe... A mal à la tête. Non, elle veut... Chérie, t'as pas encore mal à la tête. Elle veut pas... C'est elle veut pas téléphoner. Oui, non. Elle dit, oui, on commande, mais je téléphone pas. À chaque fois, c'est toi qui téléphones. Ben, c'est drôle, Antoine. Vas-y donc. Ça, c'est exactement le problème de Bruno. Arrête! Ah! Bruno Georget? Pile dessus. Chroniqueur, Monsieur Net, et je pense qu'il y a un podcast rétro nouveau. Ah, oh, hein. Genre, j'ai jamais pensé ça. Oh! Oh! Je suis sûr qu'il l'a jamais entendu. Non, non, ouais. Georget qu'il l'a jamais entendu, parce que c'est quand même assez loin de la réalité. Ouais, hein. Genre, j'ai pas dû faire cette joke-là. Genre, j'ai pas dû faire ça. Mais ça, mais je dois avouer que moi aussi, j'ai ce blocage-là, monsieur. J'ai bien de la misère à commander quelque chose au téléphone. Là, c'est de moins en moins pire, je suis moins gêné, mais tu sais... Cégep, université, là, ça pouvait... Des téléphones niaiseux, il fallait que j'y pense. Ça me prenait du temps pour avoir le guts de téléphoner. Est-ce que c'est à cause du facteur racial, mettons? Tu sais, du fait que des fois, c'est un Français qui est un peu cassé ou, tu sais... Tu sais, mettons, t'appelles d'un restaurant, puis c'est... Je dirais pas du tout. OK. Il semble-t-il qu'il y aurait un lien entre la peur de parler au téléphone... Et la téléphonophobie. Et la peur de parler en public. Ah oui. Ça serait un mal relativement commun. Ça part d'où, Antoine, la téléphonophobie? Je sais pas. Vas-y. Je sais pas. Tu sais pas non plus. C'est plus peur de répondre au téléphone, habituellement. Mm. Ben, la phobie, la téléphonophobie. Oui. Mais les gens ont peur de s'enfarger dans leurs mots ou de pas avoir... pas avoir les réponses, se tromper, pas être clair, pas faire la bonne affaire, pas être compris. Ouais. C'est les téléphones de CV, là, à quel point c'était stressant, cette affaire-là. Là. De téléporter CV puis de rappeler, avez-vous reçu? Oui, c'est vrai. C'est jamais... Mais téléphone qui est chiant à faire, c'est pour une commande de groupe aussi, tu sais, comme où... Moi, je vais prendre les pots de piment. Puis les gens changent d'idée. Les gens changent, puis ça, faut prendre les notes. Mais en fait, quand vous avez un téléphone à faire et que vous êtes un peu gêné, prendre des notes, savoir exactement de quoi vous allez parler, faire une petite liste. Évidemment, quand on commande, absolument nécessaire. Mais moi, je sais pas, c'est comme un réflexe. Moi, quand je commande, là, j'écriffonne, puis j'écriffonne mon adresse, puis j'écriffonne mon numéro de téléphone. On dirait au cas où que s'ils me le demandent, puis que je veux pas me fourrer, je sais pas trop. Non, vraiment, tu sais, c'est un petit bout de papier. Et évidemment, tout ce que. Bon. Mais en général, notez ce qu'on a à dire. Pratiquez, pourquoi pas? Avec son conjoint, sa conjointe. Ouais. Bonjour, salut. Je voudrais commander une pizza. OK, j'en ai une pizza. Là, on peut évidemment faire des téléphones plus faciles, plus difficiles. Bougez pas, j'ai pas compris votre commande. C'est quoi votre adresse? Puis s'il te pose une autre question, tu bloques comme Arnold dans Total Recall. Ouais. Sa tête explose. Exactement. La truquer, hein? Faire Dring, dring. Puis là, allô? Oui, c'est ta mère. Puis là, tu y penses, mais... Oh! C'est la pizza! Oui, c'est la pizza! Wow. Fait, non, c'est la pizza! Vite, commande! Ah, c'est drôle! Quelle bonne idée! J'aime bien ça, ouais. Tu sais, des fois, pour se dégêner, on peut imaginer notre interlocuteur en sous-vêtements, tu sais. C'est un truc classique. Mm-hmm. Mais quoi que c'est plus dur au téléphone, parce que tu vois même pas la personne. Et la personne est peut-être en sous-vêtements. Et peut-être en sous-vêtements, mm-hmm. pour vrai. Ouais, ouais. Ça arrive souvent, moi, que je réponds pas en sous-vêtements. Ouais, tu sais, puis il fait chaud dans les pizzerias, des fois. Moi, il y a-tu des fois où je réponds pas en sous-vêtements? Ouais. Mais se pratiquer, donc, faire le téléphone. Mmh. Ouais. Mais peut-être pour des causes, des sondages, ouais. pour des bonnes œuvres. Et aussi feindre l'inflexion de voix. Hein. Ouais, je pense que ça. Si tu es obligé, que ce soit toi, ouais. hein, toi, Jean-Philippe, tu, je pense que tu habites seul maintenant. Oui. Il y a quelque chose que quand tu es seul, tu veux commander, mais maintenant, ben, tu le fais. Ou si tu es avec quelqu'un qui est à fun, ouais. ben, tu fais bon, ben, mon petite marde. Qu'est-ce que tu veux? Une pizza? Vous avez donc dit crémeuse. Quoi donc, M. Pérus? Parle pour moi. J'ai perdu un... Évidemment, maintenant, il y a beaucoup de compagnies avec lesquelles on peut commander en ligne. Oui, maintenant, hein, c'est fou. Ouais, c'est ça. Alors, ah, c'est bon, c'est bon. J'ai fait ça pour la première fois de ma vie avec toi, d'ailleurs. Ouais, hein? C'était à Québec, on commandait du poulet en écoutant Love Story. Mais là, ce que là, tu prends ton temps. Non, mais pour vrai, quelque chose de bien efficace. Tu as le menu, tu cliques afin d'y vérifier tout. Oui, oui, oui. Ça coûte temps, tu parles pas à personne. Il n'y a pas de malentendu. Clique, puis ça arrive, tu payes, merci, bonsoir. Tu rentres ton numéro de carte de crédit même, ce qui rend le contact seamless. Maintenant, des idées, mettons, qui s'adressent vraiment au gars qui veut que sa blonde commande, il y a peut-être, le gars peut commencer à appeler, et là, c'est une femme au téléphone, puis là, tu dis à ta blonde, la madame refuse de me parler. C'est ça, de la sirène. Oui, non, c'est ça. Il y a un petit peu de rénovation dans les locaux de magnifiques par ailleurs de Sonar qui sont toujours prêts à vous accueillir. Pour encore mieux servir leurs clients. Une session d'enregistrement. Vraiment. Voilà. Son et image. Voilà. Donc, la solution plate que je disais, c'est un peu plate, je pense. C'est tu dis à ta blonde, écoute, c'est une femme au téléphone, puis elle vient de me dire que parler de nourriture, c'est une affaire de femme. Fait que c'est toi qui devrais commander. C'est excellent. Oh, ça. Écoute, j'ai Joanne Benoît au bout de la ligne. Elle veut vraiment parler. Elle veut juste parler à des femmes. Elle dit que c'est une affaire de femme. Ouais, mais je pense qu'il y a la talle où tu commences l'appel, puis tu y passes, là. Oui, ça comprend. Comme... Faut que j'aille aux toilettes. J'ai envie de caca. Ouais, mais c'est ça, je me Non, mais tu commences, puis tu scrames complètement sa commande. Ouais. Elle voulait la salade, la faire à côté, tu fais. Bon, fait que non, pas de salade, puis c'est l'affaire dedans, puis du ketchup. Et là, puis elle fait des grands signes que non, de non. Quoi? Ben, commande, toi, vas-y. Plus de signes. Plus de signes, elle veut des signes. À un moment, elle prend le téléphone, puis elle fait, ben là, je vais le faire moi-même. C'est une excellente idée. Ouais. Ben, s'il n'est pas capable de le faire. Mal faire. Laisse faire. Je vais le faire. Prétexter un espèce de cancer qui fait que tu ne peux pas t'approcher d'un téléphone. T'sais. Excellent. Cancer du cerveau. Très, très bon. C'est dur à tenir, par exemple. Ouais, ta sablonne, là, ça peut être un peu dur. Elle apprend ça là, quand vous allez commander la nourriture. Ah, excuse-moi, mon cancer du cerveau. Oh mon Dieu. Ça dure juste une fois. Ouais. Ce qui est dénommé le cancer Nortel. Le cancer Nortel. Et bientôt, Blackberry. Ouais. Ben, j'imagine. C'est pas déjà fait. Je pense qu'ils sont pas mal. Une idée qui peut être drôle, c'est faire honte à sa blonde au téléphone aussi. Donc, là, elle va dire la prochaine fois, je vais appeler, là, parce que tu m'as fait trop honte en disant oui, non, non, je vais appeler. C'est comme un personnage de mon gars. Ouais, on est deux gros tops, on voudrait de la pizza. Ouais. Vous croisez la fille qui répond. Avec ma plotte. Et là, demander des affaires gênantes. Ah oui, quoi. Est-ce que c'est possible de remplacer la salade de choux par une poutine, disons? Au même prix. Ouais. Tu finis à quelle heure? Tu finis à quelle heure, bébé? Oh, la rente jalouse. Combien de restaurants... 8! Au Québec? 8! En tout, combien il y a de restaurants au Québec? 8! Inscrit au réseau des restaurants? 15 000. Moi, je te dis 8 175. 18 000! Ah! Ah, 18! C'était presque. Montréal, 5 000 quelques, et Québec, la ville de Québec, 1 677. Puis le reste, c'est 1200 Tim Hortons. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est dans le restaurant, ça, je pense. Mais ils vont livrer bientôt. Sur les mises. Selon un sondage léger marketing, dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que les Québécois vont aller manger au restaurant le plus? Oh, des sushis. Des sushis. De la asiatique, pizza. 22 %. Très bon. La pizza italien, 21 %. Français, 12 %. Grec, 6 %. Mais à 30 % on a cette belle catégorie canadien traditionnel. Ah. C'est quoi ça? Mais c'est tellement dur manger un canadien traditionnel. Même à Je sais pas, c'est le normandain. C'est là, je sais pas c'est quoi. C'est mais non, c'est italien. C'est quoi? C'est... Ouais. Non, même pas. Et... Canadien traditionnel, ben, tu sais, des bœufs en mijoteur. Je sais pas c'est quoi canadien traditionnel. Parce que 30%. Du canadien traditionnel, on s'entend, c'est pas de la pizza. Ça, c'est... Ça, ça peut être ça. Des burgers. Ouais, mais il rentre peut-être pizza là-dedans. Là. Écoute, c'est étrange. C'est le sondage qu'ils ont fait. Du castor, des fèves au lard. Et ce que les gens vont. La cipaillerie. Qui se spécialise dans le sport. Non, c'est pas vrai. Et ça, selon le sondage, les gens vont de moins en moins manger de friture au restaurant. Ah! Ah oui, c'est la baisse. Ah oui, j'aime les repas ça. Santé devraient être... Il y a leur friteuse à la maison. Mais c'est drôle comment, tu sais, les générations antérieures, aller au restaurant, c'était vraiment manger de la cantine. Tu sais, je veux dire, manger des frites, des hot dogs, tout ça. Moi, tu sais, mon père a encore ce réflexe-là. T'sais, manger au restaurant, pour lui, c'est encore aller à la cuisine boulée, manger des pains de viande. Ouais. Il va manger ailleurs aussi, mais manger du restaurant, le premier réflexe, c'est des choses qu'on n'a pas chez nous, des frites. C'est vrai. T'sais. On s'en fait pas des frites. Mais donc, il y avait cette idée-là d'habiter... Mais ils ont basé le temps d'une paix sur... Dans un restaurant. Ben, à côté... Oui, ma famille, c'est encore ça. Ou moi, proche, ma mère, Nicole Leblanc. Aller qui va à pied. Ou ta blonde, elle les croise, elle connaît le proprio, elle appelle. Appelez souvent à la même place. Aller au restaurant où tu commandes. Oui, ça, c'est vrai que c'est... Tu vas souvent avec ta blonde. Hein, puis la manière, tu fais, au lieu d'y aller, on va commander, ben appelle... Il va te reconnaître, ils te connaissent. C'est Giuseppe, il va te c'est répondre. C'est Giuseppe. Mais lui faire lire les, toutes les femmes qui se livrent sur doctissimo.fr, les gens qui exposent leurs problèmes de téléphonophobie, c'est pathétique. Ça doit, là. Je réponds plus. Il essaie d'avoir des réponses, mais c'est tout... Le message qui suit, c'est toujours « Moi aussi, c'est la même chose! » Je te comprends, ma belle. .fr, c'est le serveur au métro Mont-Royal. Hein? Comment? .fr. C'est ça. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plus de gens qui ont peur de parler en public que de mourir. Ouais, c'est peur numéro un. Toastmaster. Ah, oui. Toastmaster, c'est une organisation mondiale. Il y a à peu près une vingtaine de clubs. Sur s'exprimer en public, sur parler, je pense que si tu vas là, tu dis, hey, moi, j'ai de la misère à parler au téléphone, je pense qu'ils peuvent t'aider, te coacher. Toastmasters, c'est pour faire des toasts. Ben, c'est ça, mais pour apprendre à faire des toasts, mais quand même, le lien est assez. C'est pour parler en public. Il y avait même ça. Il appelle ça Toastmaster. Toastmaster de Rimouski. Ouais, non, c'est ça, c'est l'expression n'a pas de lien en soi. Là. C'est comme si j'avais une entreprise de réfrigération, puis j'appelais ça, tu sais. Bingley Blue. Bingley Macaroni. Ouais, tu sais. Ouais, ouais. Ben non, Toastmaster. Le maître OK, du Antoine, c'est assez. Ouais. Ouais. Tu finis ta feuille, là. Non. Ça, Toastmaster, se faire coacher, bien sûr. Je crois qu'il existe des programmes d'ordinateur. Elle pourrait peut-être rentrer toutes ces données, parler ou l'écrire, ou répondre en écrivant. Oui. Non, c'est de la crémeuse que je souhaite. Siri. Puis peut-être donc. Je voudrais du poulet au yogourt. Mais Siri, demander à Siri de commander. Ben donner cette distance-là, demander à Siri de commander. Tu sais, il y a peut-être des moyens technologiques qui pourraient la rendre autonome par rapport à commander. Ouais. Au téléphone. Sur Twitter, Pierre-Luc a écrit « Se trouver une maîtresse qu'il fait ». Elle appelait pour faire livrer au début, même que c'était souvent son initiative. Oh. Okay. Samuel n'a pas dit de tuer personne, mais l'a menacé de la quitter. Hein? Si tu commandes pas. Ou de la frapper. Si tu commandes pas ce poulet-là, je te crisse. Kevin Beauregard a écrit « Toujours se tromper dans la commande, elle va finir par cette année. Oh. » Schizo4 a écrit « Donnez-lui le lien de Saint-Hubert, on peut commander en ligne. » Ben oui. Hein? Exact. C'est la solution qu'on avait déjà. Sinon, il y a peut-être l'idée d'en faire un jeu, l'appel. Tu sais, mettons, là, comme... Y aller par gageur. Ouais, tu sais, dire à sa bonne, essaie de prendre un personnage, ça va être drôle, ou plug le mot... vagin noir dans ta commande. Ça, c'est trop facile, Mathieu. Resto dans la bouche sur Mont-Royal, ça se fait bien. Ça se fait bien, oui. C'est un des vous l'avez plus sur votre menu. Mais peut-être se faire justement un tableau à la maison, rendre ça ludique, là, un jeu. Un tableau à maison, faire des gageurs de commandes. Puis celui qui en a le plus pendant le mois, ben il gagne... Un vagin noir. Un vagin noir. Dire, hey là, c'est moi qui appelle les deux prochaines fois, mais il faut que tu appelles la fois d'après. On va faire du 2-1 comme ça. Ouais, là, ou tout simplement. Après, tu lui dis de commencer l'autre cycle. Fait que ça fait 2-2. Deux, ouais, deux. Deux fois de fil. Ou faire comme... C'est un nouveau cycle, j'avais croisé les doigts. Faire, fois de fil. Faire comme Michel Lépine en 1996. Ah oh, oui, parfait. Rentre au Parlement puis tuer du monde. Non, c'est son frère Michel okay. Lépine. Non, c'est le, celui qui a mis sur pied à la carte express. Ah! Oui. Le... Lui, il se commandait toujours de la pizza. Pendant un an, il disait, il y a plein de bons restaurants que j'aimerais commander, que j'aimerais commander chez moi. Ça existait ailleurs aux États-Unis. Il a été voir le modèle d'affaires, puis il est venu avec ça à la carte express qui dessert maintenant trois zones. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas le concept, c'est des restaurants qui ne livrent pas. Mmh. Avec à la carte express, ils sont inscrits à ce service-là. Mmh. Tu peux commander directement de ce menu-là. Mais lui, il l'a inventé. Il a fait hey, moi, j'aimerais ça qu'on me livre de là. Ben, je vais ouais. le mettre sur pied. Puis il est parti. Puis il a fait sa business. Du parfum dans un chapeau d'homme avec une prune. Ça vient dans un chapeau d'homme. Ça vient dans un chapeau d'homme. Tout simplement dire chérie, si tu appelles, je paye. Oh, la carotte. L'avoir ouais. par l'argent. Ouh! Les femmes sont tellement Je crois que Bruno a des enfants. Oh, faire appeler les enfants. Faire appeler les enfants. J'avais une pouliche. Oh, ouais. Ah ouais, elle va se tanner à un moment donné. Ouais. Là, ouais. Tassez-vous, là. C'est pas une pouliche qu'elle veut. Est-ce que t'as de la paille, là? Ils se commandent ce qu'ils veulent. Je vais prendre deux desserts. Ouais. Steak aux prunes. Les enfants. Hein? Qui disent tout ce qu'ils parlent. Regarde Hermès Pénis. Ah, ou un jeu qui peut être le fun avec ta blonde, c'est mettons, Fred, t'es ma blonde. On appelle les deux en même temps, on met sur Valib et chacun dit un mot. Bonjour! On voudrait... commander... de... la... OK, arrêtez de me niaiser, les deux comiques. Ah, mais nourriture. Ou... non, non, mais... où on n'a pas le vagin noir. On peut... oui, c'est ça. On prend chacun un téléphone. Oui. Puis c'est ensemble. Ah, oh, ça me gosse. Bonjour! On voudrait commander... c'est bon, ça. C'est encore les deux comiques qui veulent du vagin noir. Non, arrêtez. Non, non, la femme, la personne à l'autre bout, elle va faire... hey, par l'enregistreuse, c'est eux autres! C'est les grandes gueules. Ah, ça devient c'est comme... c'est les grandes gueules. C'est con. Ah, ouais. Appeler en faisant la bourse, ça peut être drôle. Ouais, je suis sûr qu'elle va triper. Ça va la dégêner. Ça va la dégêner complètement. Elle va être super contente. Très heureuse. Vas-y, comment? Pourquoi on peut pas commander par texto encore? C'est vrai, hein? Ouais, poulet. Poulet. S'il te poulet. S'il te poulet. Ah, arrêtez. Chéri, as-tu dit s'il te poulet? Poulet? Grosse poutre. Je vais rappeler. Grosse poutre. C'est moi qui vais appeler la prochaine fois. De... arrête tout poutre. Ça. Ouais, ça peut porter à confusion. Grosse poutre coke. Grosse poutre coke, oui, hein? Oui, j'avoue, hein? Grosse poutre coke. J'ai écrit, je voulais pas de coke. Ouais, t'as écrit P-U. Je veux pas de coke. Pas anglais. Avez-vous des solutions préférées là-dedans, messieurs? Bien que je doute qu'il y en ait une réelle. Ils sont toutes bonnes. Mais moi, je pense que c'est... tu sais, justement, commencer l'appel, puis faire... oh, faire un peu de sirop. Hey, ça va être beau ici, là. Oui. Mais commencer l'appel, puis trouver une façon, là, de dire... ouais, de pas le finir. Ouais. Très bon. Oui. Tomber. Oui, dire, OK, je vais appeler, mais je vais tomber d'en face. Genre. Oui, j'appelle, ma tabarnak de conne va manger... on avait parlé un peu. Ouais, non, moi, ça, c'est ta préférée, ça. Moi, il dire de le faire si toi, tu lui proposes de faire quelque chose de pire. Genre, vas-y, moi, ça me dérange pas. Après ça, je vais chappeler tes parents pour savoir comment ils vont, tu sais. Ouais, OK, très bon. Une autre affaire par téléphone qu'on aime pas faire. Moyenné, ouais. C'est ça. Il faut qu'elle devienne autonome. Je pense que ça commence bien avant le téléphone. Ouais. Qu'elle se lève le matin, tabarnak. Ouais. Hein? Qu'elle fasse sa part dans les tâches ménagères. OK? Let's go. C'est quoi là, le téléphone tout le temps? C'est pas moi qui va tout faire tout le temps, OK? Déjà que je fais la bouffe, la vaisselle, je ramasse tout, je chauffe les enfants. Je l'ai. À plus de job. Mm. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez commander, un gros paquet de biscuits soda, tu t'en fous? Ouais. Trempe dans la bouche d'une shot. Oui. Puis là, tu fais... t'as pas appelé. Puis là, t'as un petit post-it écrit « commande ». Puis tu te le colles dessus. Oui. Commande. Puis t'as plus faim. T'as tout mangé, ouais. Les biscuits soda. Non, moi, j'évite le problème, puis je m'en vais sur Internet. Ou appeler à... Ah, ouais, je suis d'accord avec toi, Antoine, ouais. Je change. Hey, sérieusement. Ouais. Appeler avec une voix de Donald. Enough. Ouais. Puis souvent, les compagnies sont déjà sur Twitter là-dessus. Là. Non, mais commencer à écrire. « Hey, quand est-ce qu'on va pouvoir texter nos commandes? » Ben oui, exact. Mettre la pression. Oui, bonne idée. Ça va se faire bientôt, j'imagine. Je suis excité de voir ça commencer. Mais tu laisses ton adresse en texte? Ça, je veux de moi texter. Je suis excité. Non, mais tu ouvres un compte, tu envoies juste un numéro par Twitter, puis ils savent t'es qui, mais tu n'envoies pas ton numéro, rien. Puis ils te répondent vraiment à la manière des textos. Là. Fait que tu envoies ça, ils t'envoient soit un bonhomme sourire, ou genre... « OK, genre... » OK, genre. SLG pour Solide le Gros. Ouais, c'est ça. Solide le Gros, c'est parti. Tu peux peut-être faxer ta commande aussi. Oui. Hey, on salue les jeunes qui connaissent pas c'est quoi. On salue aussi Sonar. Merci. Oui, merci beaucoup de l'accueil. Bravo pour vos rénovations. Merci pour les rénovations. Hey, là, on n'est plus à Tribord. Oui. C'est fini, ça. Ouais. Fini. L'air du bateau est passé. La semaine prochaine, on répond à une question envoyée par une femme. Oui? Peut-être. Parfait. D'ici là, continuez à nous écrire. Oui. Votez pour nous, 5 ou rien. 5 ou rien. Et notre courriel, pas de problème, @gmail.com pour préciser ou garder l'anonymat. Oui. Exact. Voilà. Le mot de la fin, Fred, vas-y. Ah ouais? Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Plus de sourire.